influence. Je le concède volontiers. J'ai pris ma grâce et me suis mis à jouer. C'est une tournelle qui tournoie dans ma tête, comme une sinistre danse de squelette. Yeah!